les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Qui aurait donc l'extravagante idée de vouloir vivre le métier honteux de saltimbanque, situation inférieure et dégradante? Allons-nous nous trouver dans une comédie? Dans une farce, oui. Et à l'intérieur de cette farce, dans l'histoire d'un roi très puissant, très intelligent, très fort, très féroce, sur le point d'épouser une princesse, la princesse Exema, entre autres, oui. Une pièce gaie, car il n'y a que ça qui compte, le plaisir de les entendre rire. Lectures à une voix, première diffusion sur la chaîne nationale, le 16 août 1956. La radiodiffusion française présente une émission publique de Michel Pollack, transmise du Théâtre des Noctambules à Paris. Lectures à une voix, une production du Club d'essai. Aujourd'hui, Jean III, ou l'irrésistible vocation du fils Montdoucet, comédie en trois actes et un prologue de Sacha Guitry, lu par François Perrier. François Perrier. Mesdames, messieurs, il n'est pas d'usage au cours de ces lectures de s'adresser directement au public, mais je voudrais tout d'abord m'excuser de cette moustache et de ces pattes naissantes qui n'ont rien à voir avec l'œuvre que je vais vous lire. Ne croyez pas qu'il y a là un effort de composition, c'est en vue de toute autre chose que je laisse la nature opérer de telle façon sur mon visage. D'autre part, j'aimerais, pour vous mettre un peu dans l'ambiance de cette pièce, qui avant tout est une comédie, je vous supplie d'y penser avant, encore que je crois que pendant la lecture, malgré vous, vous apercevrez que c'est vraiment une comédie, je voudrais évoquer ce qui nous est arrivé à Michel Pollack et à moi-même au moment où nous avons décidé de choisir cette pièce. Et évidemment, il nous fallait l'autorisation de l'auteur, et Michel Pollack n'a absolument pas songé à déranger Sacha Guitry. Il lui a simplement fait téléphoner. Apprenant notre projet, Sacha Guitry a émis le désir de nous rencontrer. Inutile de vous dire que nous sommes instantanément rendus à ce rendez-vous, au cours duquel j'étais assez impressionné. Je pensais que Sacha Guitry allait me donner des indications précises sur la façon de jouer Jean III, en tout cas de le lire et de le présenter. Pendant une heure et demie, il m'a raconté de merveilleuses anecdotes sur tous les acteurs qui ont joué dans Jean III, notamment sur Baron, qui interprétait le rôle du père. Une ou deux fois, au cours de ces anecdotes, il a effleuré des intentions sur l'interprétation, mais nous n'avons proprement pas parlé de la pièce. C'est vous dire donc que je n'ai pas pu profiter de ses conseils. Mais j'aurais voulu pouvoir vous faire profiter de cette heure merveilleuse que nous avons passée avec lui, car au fond, cette entrevue était assez astucieuse de sa part. Il nous a mis véritablement dans l'ambiance, c'est-à-dire dans une ambiance de théâtre, dans l'ambiance d'un homme qui aime le théâtre depuis sa jeunesse. On pourrait même dire qu'il aimait et qu'il connaissait le théâtre en naissant et pour cause, du fait de son hérédité. Et je crois que c'était le meilleur moyen de nous mettre dans l'ambiance. J'espère vous la communiquer. En tout cas, j'essaierai de tout mon cœur. Je vous remercie de votre attention. Jean III, ou l'irrésistible vocation du fils Montdoucet, pièce en trois actes et un prologue de Sacha Guitry. Personnage du premier acte, Paul Montdoucet, Monsieur Montdoucet, Lambrequin, comédien, Bolbiquet, régisseur, Léone, comédienne, Madame Montdoucet, la femme de chambre des Montdoucet. Prologue. Ce prologue se passe dans la salle du théâtre impérial. Le rideau d'avant-scène est baissé. Le public tape des pieds. On avertit, puis on frappe les trois coups. Un régisseur se glisse en scène entre le rideau et la rampe. Il est en veston, mais il a des gants blancs. Il vient faire une annonce et il en a la gorge serrée. Le régisseur. Mesdames, messieurs, une circonstance imprévue, fâcheuse et tout à fait indépendante de notre volonté, nous oblige à modifier quelque peu la distribution de la pièce que le Théâtre impérial va avoir l'honneur de représenter devant vous. Notre camarade Dumoulin ne pourra pas jouer ce soir le rôle du chevalier dans Jean III. Il ne m'est pas permis de vous en donner la raison, mais je vais tâcher de me faire comprendre à demi-mot. Un acteur qui se présente dans un théâtre un quart d'heure avant d'entrer en scène et qui est saoul comme un cochon doit être impitoyablement chassé. Et c'est ce qui vient de se produire. Que ferait-on dans un autre théâtre? On vous rembourserait le prix de vos places. Ici, on ne rembourse pas. Ici, on sauve la situation. Et nous allons précisément la sauver. Nous venons d'apprendre à l'instant qu'un jeune artiste que nous connaissons et dont nous apprécions les qualités, M. Paul Mondousset, 41 rue Jacques Tréfouel, à deux pas d'ici, c'est le rôle. Il l'a joué, paraît-il, en province. Je vais aller tout de suite chez M. Paul Mondousset et dans trois quarts d'heure, dans une heure peut-être, vous assisterez à une représentation unique. Vous assisterez au début d'un jeune comédien, d'un fils de famille et sans augmentation de prix. Le régisseur disparaît, on frappe de nouveau les trois coups et premier acte. Le rideau s'ouvre sur une salle à manger bourgeoise, simple et cossue. La femme de chambre met le couvert. Paul paraît. Il a 26 ans et il a le genre artiste, ou plus exactement, il le prend. Paul a ouvert brusquement la porte, il la referme derrière lui et s'avance vers Julie. Il est drapé dans un tapis de table et en guise d'épée, il porte au côté une canne. Ah, Julie, je vous cherchais. Monsieur Paul veut ses bottines? Non, j'ai à vous parler. À moi, monsieur Paul? Oui. Qu'est-ce que monsieur Paul a à me dire? Ceci. Dieu, chaque jour pour moi n'est pas un jour de fête. Les malheurs les plus grands s'acharnent sur ma tête. Vraiment, monsieur Paul? Non, ne m'interrompez pas, je vous en prie. Mettez-vous là, comme ça. Ne bougez plus et regardez-moi comme si je vous faisais horreur. Je ne pourrais pas, monsieur Paul. Faites ce que je vous dis. Dieu, chaque jour pour moi n'est pas un jour de fête. Les malheurs les plus grands s'acharnent sur ma tête. N'aurez-vous pas pitié de votre enfant chéri, ô mon père? Avez-vous oublié que j'ai ri souvent sur vos genoux quand vous étiez sans haine? J'entends le bruit des pas d'Hector qui se promène. Il se relève et va ouvrir la porte. Maman, viens une seconde, tu seras gentille. La femme de chambre, il faut que je mette le couvert, monsieur Paul. Paul, tu le mettras après. Il se remet à genoux. J'entends le bruit des pas d'Hector qui se promène. Madame Mondousset entre et voit son fils au pied de la bonne. Madame Mondousset. Oh, Paul, le voilà donc, cet homme exécrable et hideux, empoisonneur, bandit, voleur. Nous sommes deux. Oh, tu peux caresser ta grande barbe noire. Madame Mondousset, moi? Paul, je n'ai plus peur de toi, crapaud. Il s'aperçoit que sa mère tient une photographie à la main. Qu'est-ce que c'est que cette photo, maman? Madame Mondousset, j'allais te le demander, mon enfant. C'est une photographie que j'ai trouvée dans la poche de ton veston. Paul, Léone, c'est Léone. Madame Mondousset, qui est Léone? C'est une actrice du théâtre impérial. Une actrice? Oui, et jolie. On dirait que tu en es épris, mon enfant. Maman, il faut bien que je l'avoue à quelqu'un. Maman, j'en suis extrêmement amoureux. Oh, malheureusement, elle est la femme de Monsieur Lambrequin. Mais enfin, sait-on jamais? Il reprend la photographie. Crapaud, tu peux me croire, je briserai ton cœur de pierre de ma main, comme je vais briser ce bouclier d'airain. Il prend sur la table une assiette et la brise en l'enjetant par terre. Meurs à l'instant, serpent, vil, misérable, infâme. Il prend sa mère à la gorge. Mondousset, attiré par le bruit, entre tout à coup. Paul, ah ça, mais tu deviens fou? Tu veux tuer ta mère? Mais non, papa, je répète. Encore? Et cette assiette, tu l'as cassée en répétant? Oui, papa, c'était le bouclier. Le bouclier? Mon enfant, je commence à en avoir assez. D'abord, il est 7 heures, nous devrions être à table. Servez Julie, et rapidement. Alors, ma bonne amie, tu te prêtes maintenant aux fantaisies théâtrales de ce jeune homme. Paul, mais papa, silence! La femme de chambre a ramassé les morceaux de l'assiette et est sortie. Madame Mondousset, Paul m'avait appelé, Paul, pour faire le rôle d'Hector. Je vous demande un peu, le rôle d'Hector. Tu vois ta mère, je prends le rôle d'Hector. Non, bien sûr, mais j'ai personne pour me faire travailler. Travailler! Tu en es encore à appeler ça travailler. Mais le mot travail est un mot sacré, et je t'interdis de l'employer devant moi pour désigner le métier honteux de saltimbanque. Un tragédien n'est pas un saltimbanque. Tout homme qui monte sur les planches se dégrade aux yeux de ceux, Paul, qui sont des imbéciles. Mondousset, alors je suis un imbécile, Paul, permets-moi d'en douter. Mondousset, tu veux financer avec moi? Madame Mondousset, Adolphe, mon ami, je t'en conjure. Mais d'abord, viens donc un peu ici, je te prie, viens. Mais viens, mais qu'est-ce que tu as sur le dos? Paul, je sais rien. Comment c'est rien? C'est le tapis de table du salon. Veux-tu m'enlever ça, s'il te plaît? Et tu as ma canne au côté. Reporte immédiatement cette canne où tu l'as prise. Paul sort en grognant. Madame Mondousset, cet enfant s'amuse. Il m'ennuie. Cet enfant s'amuse. D'abord, ça n'est plus un enfant. C'est toujours le nôtre. Je vais te le prouver, car ma patience est à bout. Ma décision est prise. Et je te serai reconnaissant de bien vouloir ne pas prendre son parti contre moi, comme tu le fais toujours. Que comptes-tu faire? Tu vas le voir tout de suite. Paul rentre. Paul, mon enfant. Pour mettre un terme à tes extravagances, je t'annonce qu'à partir de demain, mardi, tu rempliras les fonctions de second employé dans la maison de commerce que j'ai fondée il y a 30 ans, 77 boulevard Romain Colus, maison qui porte mon nom et qui nous assure, bon an, mal an, largement de quoi vivre. Voilà ce que je décide. Parce que je suis un imbécile. et puisque tu es incapable de te choisir toi-même un métier honorable, Paul. Quoi ? Eh bien, moi, je refuse de vendre des robinets en acier et des verres de lampe incassables. Tu refuses ? Oui, je refuse. Je refuse de passer ma vie derrière un comptoir. J'ai en moi l'espoir le plus invincible. Tu feras ce que j'ai décidé, ou bien je partirai d'ici, n'est-ce pas ? Je ne l'ai pas dit. Non, mais tu vas le dire. Oh, il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Adolphe, laisse, maman, laisse. Dis-le, papa, dis-le. Ne te gêne pas. Eh bien, soit je partirai, tant pis. Je crèverai peut-être de faim pendant un an, pendant deux ans, mais je saurai me débrouiller, je te le jure. Et en six mois, finalement, je gagnerai plus d'argent avec mon talent que toi en deux ans avec ta cacaillerie. Misérable ! Et tu ne pourras même pas profiter de ma gloire, car depuis longtemps déjà, j'aurais changé de nom. Il ne manquerait plus que mon nom à la s'étaler sur les affiches de théâtre. La femme de chambre est entrée. Elle a déposé la soupière sur la table. Madame est servie. À table ! Tu ne m'attendriras pas. La maison n'est pas une auberge. Un homme de 25 ans doit gagner sa vie. Son service militaire est terminé depuis deux ans. Or, qu'a-t-il fait depuis deux ans ? Paul, j'ai appris Rodogune, le Cid, Britannicus, Hamlet, Mithridate et la mort de Pompée. Et je m'en fiche un peu de la mort de Pompée ! La belle avance. D'abord, qu'est-ce que tu fais dans ce fauteuil ? Tu vois bien que c'est servi. Madame Mondoucet, ne lui parle pas comme ça. Oh, toi, je t'en prie ! Paul ! Quoi ? À table ! J'ai pas faim. Il faut manger, mon enfant. D'autant plus que c'est peut-être la dernière fois que ça t'arrive. Madame Mondoucet. Oh ! Paul lentement se lève et va se mettre à table en traînant les pieds. Tous trois mangent le potage. Eh ben, tu ne sais plus parler ? Tu soupires ? Compagnon agréable ? Est-ce que tu as avalé ta langue ? Alors, tu ne peux parler que de théâtre. La quincaillerie ne m'inspire pas. Oh ! Est-ce que tu quittes la maison demain ou ce soir, Paul ? Oh, papa, tout de suite, si tu veux, Madame Mondoucet. Paul ! Mondoucet, non ! Non, finis de dîner ! Si tu avais été accepté au conservatoire, si des gens de métier avaient reconnu en toi des qualités pour cette profession inférieure et dégradante, je ne dis pas... Mais papa, la plupart des grands comédiens ont été refusés au conservatoire. Oh oui, oh oui, oh, oh, tu m'as dit ça 100 fois. Paul, c'est tout de même vrai. Tu as eu 2 ans pour me prouver ton merveilleux talent de tragédien. Or, depuis 2 ans, combien de fois as-tu joué, Paul ? Mon Doucet, une fois, et ça a été joli. Paul, oui, mais dans quelles conditions j'ai joué ? Madame Mondoucet, il faut avouer que Paul n'a pas eu de chance, Mondoucet. Tu nous as trimballés à Arpajon, Paul. C'était un rôle de vieillard, Mondoucet. Tu étais ridicule, Paul. J'avais une perruque trop petite et une barbe qui ne tenait pas. C'est... Madame Mondoucet, et une tenue beaucoup trop courte, Mondoucet. Et un rôle beaucoup trop long, Paul. Et un trac beaucoup trop grand. Ah, si je pouvais jouer à Paris un rôle que j'aurais bien travaillé, bien répété avec de bons acteurs, vous verriez. Oui, seulement voilà. Pour ça, il faut connaître du monde. Il faut s'être fait quelques relations. Oh, j'ai fait une chose qui n'est pas bête. Je suis allé trouver les régisseurs de plusieurs théâtres. Je suis allé au Gymnase, à la Porte Saint-Martin, à l'Ambigu. Je suis allé même au Théâtre Impérial, un petit théâtre qui est là à côté, tu sais. Et j'ai donné quelque chose à chaque régisseur. Ils m'ont promis que si jamais ils avaient besoin de moi, ils viendraient me chercher. Tiens, j'ai rencontré hier Michel Simon dans la rue. Il toussait ! Il toussait ! Imagine ma joie ! Peut-être sera-t-il malade après-demain. Peut-être viendra-t-on me chercher pour le remplacer. Il suffit souvent d'un coup de chance pour percer au théâtre. Je suis certain d'avoir en moi l'étoffe d'un tragique, tu comprends, papa ? Il faut... Mon Doucet, il faut trop de choses, mon enfant. Mais papa, il faut y renoncer tout de suite. Ça vaut encore mieux. Paul, y renoncer à ça jamais. Mon Doucet, ne dis pas jamais. Paul, je le dis et je le répète. Je le répéterai 10 fois, 20 fois, 100 fois, je le répéterai toujours. Je ferai du théâtre, mon Doucet. Eh bien, non, Paul, eh bien, si. Paul, mon Doucet, tu partiras demain matin. Paul, je partirai ce soir. Mon Doucet, tu vas partir immédiatement. Paul, le temps de faire ma malle. Paul s'est levé, il a jeté sa serviette sur la table et il sort en faisant claquer la porte. Madame Mondoucet, Paul ! Et elle pleure. Mondoucet, ah mais ! Madame Mondoucet, Adolphe, écoute vraiment, tu es trop dur. Mondoucet, je fais mon devoir ! Madame Mondoucet, je n'en suis pas sûr. Mondoucet, c'est inadmissible ! Il m'a parlé presque grossièrement ! Il m'a dit non ! Il a frappé sur la table ! Comme moi ! Madame Mondoucet, mais je... Mondoucet, veux-tu une seconde tranche de gigot, Hector ? Madame Mondoucet, non. Elle se lève. Je vais essayer de le raisonner. Mondoucet, aide-le plutôt à faire sa malle. Madame Mondoucet sort. Un temps, on sonne. La femme de chambre entrant. Il y a là un monsieur qui demande à parler à monsieur Paul. Mondoucet, faites entrer et donnez-moi le fromage. La femme de chambre fait entrer le régisseur. Le régisseur, je vous demande pardon, monsieur, de vous déranger. Vous désirez, monsieur ? Je voudrais parler à monsieur Paul Mondoucet, monsieur. Je suis son père, monsieur. Ah bon ? Votre fils est-il là, monsieur ? Oui, monsieur, de quoi s'agit-il ? Voici en deux mots, monsieur. Je suis le régisseur du Théâtre Impérial et ce soir, un artiste souffrant ne peut pas jouer son rôle. Or, je connais votre fils. Je crois qu'il a joué ce rôle en province. Et il nous rendra un grand service. Mon fils est à Roubaix, monsieur, depuis hier. Et il rentrera seulement samedi prochain. Mais vous me disiez qu'il était là, monsieur, il y a un instant. Vous avez sans doute mal entendu, monsieur. D'ailleurs, mon fils n'est pas comédien. Le régisseur. Mais si, monsieur. Mais non, monsieur. Mon fils n'est pas et ne sera jamais comédien. Je vous salue, monsieur. Mais il est inutile de perdre votre temps, monsieur. Il sonne la femme de chambre. Julie, accompagnez. Monsieur ne peut pas rester. Le régisseur. Je vous salue, monsieur. Mondoucet. Monsieur. Madame Mondoucet entrant. Qu'est-ce qui vient de sonner? Mondoucet. Le courrier. Et il n'y avait rien. Madame Mondoucet ressort. Mondoucet est seule. Ai-je eu absolument raison de dire que Paul était à Roubaix? Julie, ce fromage est merveilleux. Femme de chambre. Merci, monsieur. Paul Mondoucet est de nouveau seul. Ai-je eu absolument de raison de dire que Paul était à Roubaix? Bah. Qui pourrait définir les droits et les devoirs d'un père? Nous avons réellement des devoirs, mais avons-nous réellement des droits? Et quels sont-ils? Et que dois-je faire? Si je reviens sur ma décision, mon autorité paternelle s'éteint. Mais si je ne reviens pas sur ma décision, si je le laisse partir, mon autorité paternelle ne me servira plus à rien. J'ai mieux qu'il parte tout de même. S'il ne réussit pas, il reviendra. S'il réussit, je reviendrai. La femme de chambre apporte le café. Dites à madame de venir. La femme de chambre. Bien, monsieur. Madame Mondoucet rentre, elle a les yeux bien rouges. Tu m'as fait demander? Oui. Voici quelques billets de banque pour Paul. Donne-les-lui et dis-lui que le 15 de chaque mois, il trouvera à son nom une somme identique chez le concierge. Il sort cette somme de son portefeuille et il l'attend à sa femme. Tu n'as pas changé d'intention? Du tout. Va. Sa malle est bientôt finie. Hélas. Madame Mondoucet sort en pleurant toujours. Mondoucet, il faut un certain courage tout de même. On sonne de nouveau. Cette fois-ci, ça doit être le courrier. La femme de chambre entrant. C'est un monsieur et une dame qui voudraient parler à monsieur. Mondoucet. À moi? La femme de chambre. Oui, monsieur. Vous les connaissez? Du tout, monsieur. Je n'ai jamais vu ni ce monsieur ni cette dame. Et si j'osais, je me permettrais de dire à monsieur que ce monsieur et cette dame sont bien étranges. C'est bon, dites que je n'y suis pas. Léon, qui a passé la tête par la porte entrouverte. Oh, monsieur! Mondoucet. Mais madame! Léon et Lambrequin entrent. Ils sont tous deux maquillés. Le manteau de Léon est trop court pour cacher le peignoir qu'elle porte. Lambrequin a une serviette éponge autour du cou et il est chaussé de poulaine d'or. Léon, pardonnez-nous, monsieur, nous forçons un peu votre porte, mais madame, nous n'avons même pas pris le temps de nous démaquiller. Vous avez à me parler, monsieur, Lambrequin? Oui, monsieur, sans retard, Mondoucet. Asseyez-vous, monsieur, et vous aussi, madame, Lambrequin. Monsieur, vous avez dit tout à l'heure au régisseur du Théâtre Impérial que votre fils était à Roubaix. En effet, monsieur. Or, votre femme de chambre avait dit à ce régisseur que votre fils était parfaitement ici. Elle a fait erreur, monsieur. Mais elle vient de nous le répéter, monsieur. Mais, madame, monsieur, ne soyez pas implacable. Mon fils est à Roubaix, madame, Léon. Non, monsieur, votre fils est ici. Et nous comprenons parfaitement, mon mari et moi, qu'un homme, dans votre haute et honorable situation, soit opposé à ce qu'il choisisse une carrière que l'on considérait au XVIIe siècle comme une carrière infamante, Lambrequin. Cependant, monsieur, la situation est tout à fait exceptionnelle. Il s'agit de remplacer au pied levé un comédien malade. Il s'agit pour lui de démontrer à la fois son courage, sa serviabilité et son talent. Léon, le régisseur maladroit sans doute vous aura mal expliqué la chose, Lambrequin. Ça n'est pas un service qu'il nous rend à nous. Léon, il le rend à l'art dramatique, monsieur Lambrequin, c'est-à-dire à l'une des plus glorieuses manifestations du génie français, monsieur Léon. C'est donc un peu au pays menacé que votre fils tend généreusement la main. Non, vous n'êtes peut-être pas français, monsieur Mondoucet. Mais si, monsieur Léon, vous êtes français de ce fait, vous possédez alors, monsieur, un avantage considérable sur la plupart des étrangers, Lambrequin. Et sans insister davantage sur la beauté du geste que votre fils va faire, grâce à vous, nous en sommes sûrs. Léon, permettez-moi d'attirer votre attention sur les vastes avantages nombreux que présente un pareil geste. Lambrequin, comprenez donc, monsieur, que sans avoir à gravir l'échelle douloureuse d'un métier qui comporte à ses débuts plus de déboires que de joie, Léon, sans avoir connu les mensualités insuffisantes de la province, Lambrequin, sans avoir fait le moindre effort, sans même l'avoir sollicité par le fait d'un hasard mystérieux qu'on appelle la chance, Lambrequin, du jour au lendemain, votre fils est connu, Léon, il est célèbre, et l'éclat de sa notoriété rejaillit sur vous. Dame, songez que votre nom sera demain dans tous les journaux, Léon, si par hasard, monsieur, vous aviez une maison de commerce. Mondoucet, c'est le cas, madame. Lambrequin, vous avez une maison de commerce, monsieur? Mondoucet, oui, monsieur. Léon, vous avez une de ces maisons qui contribuent à l'extension du commerce français? Mondoucet, mais oui, madame. Lambrequin, mais alors, monsieur, votre assentiment nous est acquis d'avance, car vous ne pouvez contester, monsieur, l'immense bénéfice que vous réalisez en assurant à vos produits une publicité incomparable et plus efficace 100 fois qu'aucune autre, puisqu'elle est faite indirectement. Léon, il n'y a rien de tel, monsieur, qu'une situation en vue pour le lancement d'un produit. Vous rendez-vous compte de ce que naguère, monsieur Falière, a pu gagner avec la phosphatine? Lambrequin. Monsieur André Rivoire avec ses nouilles, Léon. Monsieur Taride avec ses cartes, Lambrequin. Monsieur de Reims avec ses biscuits, Léon. Monsieur Anoto avec ses porte-plumes. Et plus près de vous, Monsieur Cognac avec son eau de vie, Lambrequin. C'est à croire que tous ces messieurs ont embrassé les carrières libérales pour gagner de l'argent dans le commerce. Mon Doucet, vous m'ahurissez, Léon, mais vous êtes trop bon. Lambrequin trop fier, Léon trop grand, Lambrequin trop chic, Léon trop franc, Lambrequin trop épé, Léon patent, Lambrequin pour ne penser qu'à l'argent. Mon Doucet, à part, je faiblis un peu, Léon. Et certainement, vous serez tout à fait convaincu, Lambrequin, quand, Léon, vous, Lambrequin, saurez, Léon, que, Lambrequin, votre fils, Léon et Lambrequin ensemble, signera demain un engagement magnifique avec la direction, Léon, et que l'année prochaine, il gagnera peut-être, Lambrequin, Léon, Lambrequin, et l'année prochaine, le double. Mon Doucet, je faiblis de plus en plus, Léon, car vous n'ignorez pas qu'on paie à présent les acteurs 1000, Lambrequin, 2000, Léon, 3000, 4000, 5000 francs, Léon, par jour, Lambrequin, les matinées en plus, Léon, ah oui, j'oubliais, c'est vrai, Lambrequin, à l'oreille de mon Doucet, songez que vous aurez la liberté de venir dans les coulisses et que là, mon Dieu, vous pourrez vous distraire, mon Doucet, ah, je, Léon, hé, dame, mon Doucet, les parents ont le droit de, Lambrequin, ça n'est pas stipulé dans l'engagement, Léon, mais on ferme les yeux. Alors, de temps en temps, le soir... À part, je faiblis tout à fait. Alors, de temps en temps, le soir, je pourrais venir passer une heure dans les loges des petites actrices. Lambrequin, mais bien sûr, Léon. Si vous n'êtes pas marié, mon Doucet. Mais je le suis, Lambrequin. Alors, raison de plus. Mon Doucet, ah, je suis vaincu. Vous aurez eu raison de mon autorité. Vous êtes des enjôleurs. Léon, c'est notre métier. Mon Doucet, Honorine, Honorine, viens vite. Madame, mon Doucet, entre. Qu'est-ce qu'il y a, mon Doucet? Tout est oublié, j'ai changé d'avis. Paul est pardonné, il fera du théâtre. Il en fera dès ce soir. Il gagnera 2 ou 3 millions par an, j'aurai de la publicité gratuite. La maison sera prospère et tous les soirs, je pourrai aller dans le... Oui, enfin, allez, va chercher Paul. Et dis-lui qu'il va nous couvrir de gloire. Madame Mondou... Mais Paul est parti. Mondoucet, Léon et Lambrequin ensemble. Quoi? Madame Mondoucet, Paul est parti? Il y a 10 minutes avec sa malle? Mondoucet, ventre Saint-Gris, corne de guidouille, Lambrequin. Et nom de Dieu! Madame Mondoucet, dame, tu l'avais mis à la porte, Mondoucet, mais où es-tu, où es-tu? Qu'est-ce qu'il a dit en s'en allant? Que, Madame Mondoucet, il a dit qu'il allait prendre des nouvelles de Michel Simon. Mondoucet, et tu l'as laissé partir? Mauvaise mère. Personnages apparaissant au deuxième acte, en plus des personnages du premier acte, évidemment. Daltignac, comédien. Guenot, souffleur. Hamel, habilleur. Floriane, comédienne. Deuxième acte. Le rideau s'ouvre sur la loge de l'acteur Dumoulin. Une table recouverte d'une serviette éponge, sur la table des bâtons de maquillage, quelques flacons, une glace et une boîte de vaseline. Au mur des affiches, dont une ainsi conçue, Théâtre impérial, Léon, Lambrequin, Dumoulin, Dangean III, Drame, etc. Le régisseur ouvrant la porte du fond. Personne, toujours personne. Oh mon Dieu, mais comment allons-nous faire? Daltignac entrant. Eh bien, le régisseur, personne encore. Daltignac, ce serait plus simple de rendre l'argent. Le régisseur, oui, mais le patron ne veut même pas qu'il en soit question. Tu es allé le chercher, ce jeune Mondoucet? Oui. Tu l'as vu? Non, j'ai été reçu par son père, une espèce de grand bourgeois imbécile qui ne veut pas que son enfant fasse du théâtre. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était parti pour Angers ou pour Dunkerque, je sais plus. Eh bien alors? Oui, mais c'est pas vrai, il était chez lui. La bonne me l'avait dit quand je suis arrivé et elle me l'a répété quand je suis parti. Je suis revenu ici dardard et j'ai envoyé Léon et Lambrequin pour convaincre le père. Peut-être auront-ils eu plus de chance que moi. C'est peu probable. Le régisseur, du moins espérons-le. Tu sais, mon vieux, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux que je double Dumoulin, je suis prêt. T'es bien gentil, mon petit, mais je t'ai déjà répondu que c'était pas possible. D'abord, tu ne sais pas le rôle, et puis, tu es comique. Et dans cette pièce-là, il ne s'agit pas de faire rigoler. Évidemment. Mondoucet, lui, il sait le rôle. Il a dû le jouer en province. En tout cas, c'est un rôle de son emploi. C'est un tragédien, tu comprends? Il est grand, il est fort, c'est le type du rôle, quoi. Et au besoin, il le lira. Et puis, vis-à-vis du public, on aura l'air du moins de s'être dérangé, d'avoir cherché quelqu'un. Oh, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ah, y a pas à dire, c'est un sale coup que Dumoulin fait là au patron. D'autant plus qu'il n'est pas réellement malade. Oh, mais celui-là, il n'y coupe pas, hein, il sera foutu à la porte demain. Daltignac. Ouais, tant mieux, c'est pas un chic type, Dumoulin. Non seulement il n'a aucun talent, mais en plus il est mal élevé. Il est avare, il est plus cabot que n'importe qui. Et puis alors, surtout, il débine les camarades, et moi, j'ai horreur de ça. Florian entrant. Pas de nouvelles ? D'Altignac, non. Florian. Florian au régisseur. T'es embêté, mon pauvre gros, hein ? Elle l'embrasse. Le régisseur. Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Le souffleur paraît. Ce sont eux ? Le souffleur, non, mais le public tape des pieds, hein, le régisseur. Ah, tiens, pardi, ça m'étonne pas, nous sommes déjà à 25 minutes d'entracte. D'Altignac. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Le régisseur. Ah, je me le demande. D'Altignac. Bolbiquet, tu me connais, mon vieux. Tu sais que je ne demande qu'à rendre service aux copains. Alors, tu n'as qu'un mot à dire et je grimpe là-haut et je leur dis des monologues pour les faire patienter. Tiens, mais oui, c'est une idée. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? L'œil de verre. Bon, le foie gras. Parfait. Les marrons glacés. Florian, c'est pas un programme, c'est un menu. D'Altignac. L'enfant du faubourg, le Noël des vieux. Le régisseur, non, pas trop. Oh, tu me connais, mon vieux. Oui, justement. Passe, je vais t'annoncer. D'Altignac en sortant. Je peux aussi leur dire la bénédiction, de copé. Le régisseur et D'Altignac sont sortis. Florian au souffleur. Dis donc, le souffleur, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce mont Doucet qu'on est allé chercher ? Tu le connais, toi ? Le souffleur, mais toi aussi tu le connais, il vient souvent traîner dans les coulisses le soir. Florian, ah, c'est ce gros garçon blond qui a un grand chapeau noir, le souffleur. C'est ça. Ah bon, ah, parfaitement. Il est très plotteur, hein, le souffleur. Ça, j'en sais rien. Moi, avec moi, il a toujours été très convenable. Florian. N'empêche qu'il y a une huitaine de jours, il m'a embrassé sur la bouche derrière un portant, le souffleur. Il embrasse bien, Florian. Pas fait attention. Le régisseur entrant. Toujours personne, le souffleur et Florian. Personne. Alors, le régisseur, D'Altignac a entamé le foie gras. Florian. Est-ce que ça porte, le régisseur ? Le souffleur, sur le pas de la porte. Les voilà, le régisseur, sauvé ! Léon et Lambrequin entrent. Eh bien, Lambrequin, foutu. Nous emballons le vieux, et enfin, il accepte que son fils joue, alors sauvé ! On appelle le fils, il était parti. Par où ? Lambrequin, on ne sait pas. Le père et la mère le cherchent partout maintenant. Léon, et quand ils le retrouveront, il sera minuit. Lambrequin, qu'est-ce que dit le public ? Le régisseur, D'Altignac leur récite des monologues. Lambrequin, oh les pauvres gens. Florian, ce garçon, il fait ce qu'il peut, Léon, et c'est pas énorme, Lambrequin. Faut rembourser, mon vieux, il n'y a plus que ça à faire. Le régisseur, rembourser, ça jamais. Le patron a téléphoné tout à l'heure qu'il ne fallait rembourser sous aucun prétexte. Lambrequin, c'est facile à dire, Léon. D'abord, où est-il, patron ? Il devrait être là. Le régisseur, il a un bridge chez lui, mes enfants. Vous allez faire comme D'Altignac, vous allez tous réciter des vers jusqu'à minuit. Lambrequin et Léon, quoi ? Le régisseur, eh, dame, Léon, en tout cas, compte pas sur moi, le régisseur. Mais si, ma petite, tu penseras comme les autres, Léon. Je te donne ma parole d'honneur, je dirai pas un verre. Le régisseur, et puis je te fous 100 francs d'amende si tu n'y vas pas, Lambrequin. Et moi, je te fous une paire de claques si tu mets ma femme au tableau. Florian, non, écoutez, gueulez pas comme ça, on va vous entendre de la salle. Tiens, voilà un monsieur et une dame. Entre monsieur et madame Mondoucet. Le régisseur, c'est le père et la mère. Mondoucet, Paul n'est pas là. Lambrequin, hélas, non. Madame Mondoucet, nous venons du gymnase, il n'y était pas. Et puis, monsieur Michel Simon va mieux. Léon, quel malheur. Madame Mondoucet. Oh, Mondoucet, nous allons aller jusqu'à la porte Saint-Martin. Lambrequin, peut-être. Mondoucet à Lambrequin en désignant Florian. Qui est cette dame ? Lambrequin, c'est une artiste qui joue dans la petite pièce. Charmante. À sa femme. Passe devant. Il se retourne vers Florian. Je suis le père du jeune homme qui doit jouer ce soir, Florian. Ah oui ? Mondoucet, alors. Nous sommes de revue. Il l'embrasse sur l'épaule et sort. Florian, ben ils vont bien dans la famille. Lambrequin, moi mes enfants, je me déshabille et je rentre me coucher. Le régisseur, ah non mon vieux, non, tu n'as pas le droit de faire ça, Lambrequin. Je le prends. Léon, non mais sérieusement, tu nous vois 10 ans des poésies qu'on n'a pas repassées pour sauver la mise au patron. Lambrequin, est-ce qu'il ferait quelque chose pour nous le patron si nous étions dans l'embarras? Les régisseurs, il ne s'agit pas du patron mes enfants, il s'agit du public. L'habilleur entr'ouvrant la porte. Régisseur, le régisseur, entre. L'habilleur, ce monsieur voudrait vous dire un mot, il lui tend une carte. Le régisseur, j'ai pas le temps qu'on me foute la paix. Lambrequin. L'habilleur est sorti. Lambrequin. D'abord, moi, je ne sais rien par cœur, Léon. Moi non plus. Le régisseur. Mes enfants, écoutez-moi. Vous êtes la tête de la troupe et vous n'avez pas le droit de me refuser ce que je vous demande, Léon. Fallait nous prévenir. Le régisseur. Est-ce que je le savais, mon Dieu ? Si vous ne le faites pas pour le patron, si vous ne le faites pas pour le public, faites-le pour moi. Florian. Bolbiquet, mon vieux. Si tu veux que je chante quelque chose, moi, je suis à ta disposition. Le régisseur. Merci, ma cocotte. Il l'embrasse. Tenez, voilà une gosse qui fait du théâtre depuis 6 mois. Eh bien, elle est plus raisonnable que vous. Lambrequin. Pardi, elle n'a pas de réputation à soutenir. Elle s'en fout. D'Altignac, rentrant. Ah, mes enfants, quel succès! Tous. Vrai? Un public épatant! Ils m'en ont fait réciter 6. Ils m'ont fait saluer 4 fois. Ils voulaient plus me lâcher. Florian sortant. Je vais leur chanter La Pomponnette et En v'là de l'amour. Lambrequin. Il est évident qu'au besoin, je peux leur dire Les éléphants de Le Comte de Lille, Le lac de Lamartine et le naufragé, Léon. Oh, moi, je peux leur dire le balcon de Baudelaire et la mort du loup, l'embrouillard. Ah non, pas la mort du loup. Ça, laisse-moi le dire. Léon, pourquoi donc? L'embrouillard, parce que d'abord, tu sais pas le dire, mon petit, puis c'est une chose pour homme, ça. Léon, penses-tu? L'embrouillard, ah non, puis je t'en prie, hein, la paix. Léon, oh, je m'en fous, je leur dirai Waterloo. L'embrouillard, oui, ben moi, je te dis Cambronne. L'habilleur rentrant toujours avec la carte. Ce monsieur insiste, régisseur. Il dit qu'il veut seulement vous dire un mot. Le régisseur, oui, ben moi, j'en ai un à sa disposition, s'il veut. L'embrouillard, faut que je repasse les éléphants. Léon, et moi, Waterloo. Daltignac, oh, mais enfant, quel public, non, mais ça fait plaisir. J'y retournerai bien, moi. L'embrouillard commence à répéter, et Léon, en même temps, dans l'autre coin. L'embrouillard, le sable rouge est comme une mer sans limite, Léon. Waterloo, Waterloo, morne pleine. L'embrouillard, plus bas, je te prie, Léon, ta gueule. L'embrouillard, de quoi? De quoi? Oh, mais faut pas aller trop loin, ma petite, sans quoi moi je te fous mon pied dans les fesses pour t'apprendre à être poli. Léon, il faut qu'on soit poli avec monsieur maintenant. Maintenant et toujours, ça n'est pas ton mari qui te parle en ce moment, c'est ton professeur, mon petit Léon. Ah, ben il est chouette, l'embrouillard. Je ne sais pas s'il est chouette, mais je sais que si tu ne m'avais pas rencontré, tu moisirais encore en province. Tu ne savais pas dire deux mots, mon petit, quand on s'est connu à Dijon. Regarde un peu, je te prie, le chemin que tu as fait. Alors quand je dis silence, faut se taire. Léon, non, mais il se croit Napoléon, celui-là. Le régisseur, allons, allons, mes enfants, l'embrouillard, non, mais sérieusement, à quoi ça servirait d'avoir 20 ans de métier pour qu'une morveuse pareille vous tienne tête. Le régisseur, c'est ta femme, quoi. L'embrouillard, il n'y a pas de femme ici. Il n'y a ni femme, ni vieillard, ni enfant ici. Chacun défend sa peau. Léon au régisseur, il commence à me courir, mon épaule. Le régisseur, chut, chut, écoutez, mes enfants. L'embrouillard, et puis tiens, tiens, tu vas me faire le plaisir de faire modifier cette affiche-là, l'embrouillard. D'abord, Léon, l'embrouillard d'abord, Léon après. Et en plus petit caractère, Léon. Ah non. Ah, ça non, mon vieux, les mêmes caractères, l'embrouillard. En plus petit caractère, Léon, je veux les mêmes caractères que toi, l'embrouillard. Non, Léon, si, le régisseur, c'est ce que nous appelons de l'incompatibilité de caractère. L'embrouillard, à la maison, t'es la patronne, mais ici, le patron, c'est moi, compris, n'est-ce pas? Léon, je t'emmerde, l'embrouillard. Cherche donc à t'en tirer avec de l'esprit, tiens. L'habilleur rentrant de nouveau avec la carte. Ce monsieur dit qu'il voudrait, le régisseur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce raseur? Il jette un coup d'œil sur la carte. C'est lui! C'est bon, Doucet! Léon, on est sauvé! L'embrouillard, je grimpe leur dire qu'il est arrivé! Le régisseur, tu pouvais pas me dire que c'était lui, espèce de gourdé! Allez, vite, qu'il descende! Sauvé, mes enfants, sauvés! Nous sommes sauvés! Souffleur, souffleur! Vite, vite, vite, vite, vite! Le souffleur, je suis là, le régisseur. Ah bon, parfait! Paul entend, je vous demande pardon si j'ai insisté pour vous voir, monsieur. Mais entre, mon vieux, entre, entre, entre! Tout le monde lui parle à la fois. Paul, je veux pas vous déranger, mais tu joues ce soir, mon petit! Paul, moi? Tous. Oui! Où ça? Ici? Dans quoi? Du double du Moulin qui est malade. On lui arrache son chapeau, son pardessus, son veston, son gilet. Dans quelle pièce? Dans Jean III. Paul, mais je... Discute pas, mon petit, t'as juste le temps de te maquiller, de t'habiller. Alors, l'embrouillard, habilleur, le régisseur. T'as joué la pièce en province, n'est-ce pas? Paul, quelle pièce? Jean III. Jean III? Oui. Je crois pas, non. Comment tu crois pas? Non, je m'en souviendrai sûrement si je l'avais joué. Léon, oh, l'embrouillard, ben nous sommes propres. Le régisseur, mes enfants, nous affolons pas. Allez, laissez-moi faire. As-tu le trac, Paul? Non. Le régisseur, c'est énorme, ça. Non, avouez que c'est énorme, il n'a pas le trac. Léon, oui, mais le rôle est long. L'embrouillard, t'as une bonne mémoire, Paul? Pas mauvaise. L'embrouillard, ça me paraît risqué. Mais non, écoutez-moi, on va lui donner une idée générale de la pièce. C'est un garçon qui a beaucoup de bonne volonté. Il s'en sortira très bien. Léon, mais c'est en vers, le régisseur. Oh, c'est vrai, nom d'un chien. L'embrouillard, t'as déjà joué la comédie? Paul, oh oui, Léon. Ah bon, Paul, une fois. L'embrouillard, comment une fois? Paul, oui, mais il faut pas se fier à cette fois-là. J'avais une perruque qui tenait pas. L'embrouillard, mes enfants, nous courons un désastre. Le régisseur, heureusement, il a le physique du rôle. L'embrouillard, c'est tout de même pas suffisant. Léon, on risque de se faire emboîter. Régisseur, peut-être pas. L'embrouillard. Et puis d'abord, je trouve pas qu'il ait tellement le physique du rôle. Le régisseur, il est grand, l'embrouillard. Oui, mais il a plutôt une gueule comique. Le régisseur, ah non, il a un peu une tête de consul romain. Paul s'avançant, il s'est maquillé d'une façon surprenante. Ça va comme ça? L'embrouillard, tu trouves que cet homme-là a une tête de consul romain? Daltignac, il ressemble à consul tout court. C'est un singe de l'Alhambra. Le régisseur, non, mais pourquoi t'es-tu mis du rouge sur le nez, Paul? Ben, c'est plus gai. Le régisseur, mais c'est une pièce triste, Paul. Ah bon, tant mieux, je veux être tragédien. Attendez, je vais arranger ça. Il recommence son maquillage. Daltignac au régisseur. Je veux rien te dire de désagréable, mais si tu m'avais laissé jouer le rôle, le régisseur... Tu m'embêtes, mon vieux. D'abord, tu n'as rien à faire ici, va donc dans ta loge. Daltignac sort, Léon. Le public fera sûrement la part des choses, le régisseur. Il nous sera reconnaissant d'avoir pu remplacer, même n'importe comment, Dumoulin. Lambrequin. Oh, puis il sera peut-être pas plus mauvais que Dumoulin. Léon, en tout cas, je propose qu'on fasse des coupures dans son rôle, le régisseur. Oui, ça, c'est plus prudent. Lambrequin, allez, souffleur, donnez-moi le manuscrit. Voilà, monsieur Lambrequin. Léon, tu coupes la grande tirade de la fin de la scène. Oui, Lambrequin, armé d'un crayon, fait de larges coupures dans le rôle de Paul. Léon, c'est en scène surtout qu'il faudra lui couper la parole. Paul revient avec d'épaisses moustaches noires et d'énormes sourcils. Comme ça, ça va bien? Le régisseur, c'est mieux, évidemment. Lambrequin, faut pas être trop difficile, Léon. Maintenant, je pense qu'il serait temps de lui raconter la pièce, Lambrequin. Allez, allons-y. Lambrequin, Léon et le régisseur en même temps. Ça s'appelle Jean III. Lambrequin, là, écoutez, laissez-moi faire, je vous en prie. Ça s'appelle Jean III, Paul. C'est joli comme titre, Léon, oui. C'est en un acte et en vers, Paul. Oh, tant mieux, ça, j'adore les vers. Lambrequin, ça se trouve bien. Paul, je reconnais que la prose a du charme, notez bien, mais je pense que les vers ont ce je ne sais quoi, c'est vrai. Non, écoute, mon petit, tu nous diras ça une autre fois, Paul. Bon, Lambrequin. La pièce, c'est l'histoire d'un roi très puissant, très intelligent, très fort et très féroce. C'est moi qui joue le rôle, tu verras. Je crois avoir composé le personnage de façon à rendre clairement ce caractère un peu complexe. Le roi est sur le point d'épouser une princesse, Léon. Une princesse très jolie, très intelligente aussi, et très volontaire en plus, et beaucoup plus fine que le roi. C'est moi qui joue le rôle. Et Lambrequin. Et puis alors, il y a un chevalier assez quelconque. Léon, une sorte d'amoureux cynique et brutal. Paul, ça, c'est mon rôle. Léon et Lambrequin. Oui, c'est ça, Léon. C'est pas compliqué comme personnage. Paul, oh non, on pourrait même en ajouter. Lambrequin, oui, c'est pas le jour, Léon. Au commencement, j'ai une scène avec le roi. Lambrequin, c'est moi qui joue le roi. Léon, à la fin de la scène, la porte s'ouvre et vous entrez. Paul, on applaudit le régisseur, espérons-le. Lambrequin, vous êtes un chevalier et vous revenez de la guerre, Paul. C'est de la chance. Lambrequin, vous faites le récit de la bataille et là-dessus, je m'en vais. Paul, complètement dégoûté. Léon, et puis nous avons une scène tous les deux. Vous me dites que vous m'aimez. Je résiste, Paul. Moi, c'est pas gentil, ça. Lambrequin. À ce moment-là, j'entre, Paul. On siffle. Non, je blaguais. Lambrequin, oui, c'est pas le moment. Donc, j'entre et je vous trouve en train de faire la cour à ma fiancée. Alors, furieux, je fais venir les gardes du palais. Paul, il y a beaucoup de figurants, le régisseur. Deux, mais il y en a un qui est très gros. Et puis, à ce moment-là, les machinistes et moi, nous faisons du bruit en coulisses pour faire croire qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Paul, ah, c'est pas bête, hein, Lambrequin. Alors, je dis aux gardes du palais de vous jeter en prison. Paul. Sale coup pour moi, hein. Lambrequin, vous résistez, Paul, tiens, pardi. Lambrequin, mais comme vous sentez que vous allez être le moins fort, vous vous précipitez sur la princesse et vous la tuez. Oh, oh. Lambrequin, en disant, ah, oh, tu veux m'arracher des bras de cette femme, mais tu ne l'auras pas non plus, vieillard infâme. Et elle tombe morte. Paul, c'est idiot. Léon, non, mais il ne s'agit pas de discuter la pièce. Lambrequin, il s'agit de la prendre, le régisseur. Tâche d'en savoir une dizaine de vers à ton entrée, ça ferait très bien. Paul, bon, Lambrequin, le reste, tu le prendras. Paul, à qui? Lambrequin, au souffleur. Paul, ah, parfait, le régisseur au souffleur. Tu lui souffleras mot à mot, hein, le souffleur, bien sûr. Paul, on finira pas de bonheur. Mais tant pis. Léon, c'est possible, n'est-ce pas? Lambrequin, voyons, naturellement. Le régisseur, il suffit d'avoir un bon souffleur, Lambrequin. Ça a dû t'arriver déjà de souffler un rôle entier, le souffleur. Moi, 50 fois. Tenez, je m'en souviens, c'était en 23, Jules Berry est venu jouer à Lyon, alors. Lambrequin, nous te croyons sur parole, mon vieux. Alors, lis-lui plutôt le texte. Le souffleur lisant. Le chevalier entre par la porte du fond, le régisseur. Habille-toi pendant ce temps-là, Paul. Où est mon costume, le régisseur? Derrière le paravent. Bon. Léon au régisseur, passe-lui la vaseline et dis-lui qu'il retire ses moustaches et ses sourcils. Parce que, régisseur, tu trouves que, oh je te jure, c'est son physique qui sauvera la situation. Le régisseur fait ce que lui demande Léon. Lambrequin au souffleur. Alors toi continue, allez, le souffleur. Le chevalier entre par la porte du fond. Salut à toi, grand roi, vénérable et puissant. Oh, Lambrequin, répète ce qu'il vient de dire. Paul, bonjour sire. Lambrequin, mais non mon vieux, mais non. Paul, paraissant, il a mis son casque à l'envers. C'est comme ça que ça se met le... Mais non! Oh non, quelle touche alors! Le régisseur, d'abord l'habilleur devrait être là. Habilleur, habilleur, l'habilleur entrant. Voilà, voilà. Aide rapidement monsieur à s'habiller. Allez, Lambrequin, ça va être une jolie représentation. Léon, il faut en prendre son parti et tâcher de ne pas rire. Florian entrant. On vient de me dire qu'enfin il était arrivé, le régisseur, oui. Où est-il? Oh, je le vois en entier, dites donc. Léon, comment ça a-t-il marché pour toi là-haut, Florian? Oh, merveilleusement, ils m'ont fait chanter 8 chansons, le régisseur. Bravo, Léon au souffleur. Lisez-lui le texte pendant qu'il s'habille, je vous en prie. Le souffleur va derrière le paravent, le régisseur. Maintenant, je vais faire un entracte et dans 10 minutes, on commence, c'est parfait. L'embrouillard. Oh, pardon. Pardon? Le régisseur, quoi? Ah, tu m'as fait repasser les éléphants de Le Comte de Lille? Je vais les réciter! Mais c'est plus la peine, mon vieux! Plus la peine, mais je m'en fous, mon vieux! Alors les copains seuls auraient le bénéfice de cette affaire-là? Mais non! Ça va pas faire bon effet, mon vieux! Eh ben tant pis! Fallait pas m'embêter tout à l'heure pour que j'y aille! Léon, mais d'ailleurs, moi aussi, je tiens à leur dire quelque chose, le régisseur. Oh, mes enfants, l'embrouillard! Ah non, non, toi, fais travailler le nouveau, tiens! Le régisseur, quel type que ton mari! Léon, plus cabot que les autres, veux-tu mon opinion? Le régisseur, oui. Léon, tu ferais bien de monter derrière lui pour l'empêcher d'en réciter une demi-douzaine. Le régisseur, oui, t'as raison. Tiens, c'est rigolo, j'ai pas pensé que moi je sais très bien imiter Lefort et Victor Boucher. Je les ferai juste un instant quand il aura fini. Il sort. Léon, ça va derrière le paravent, Paul? Oui, oui, oui, oui, Léon. Ça entre? Paul, bah, le maillot est un peu juste, mais... Léon, non, non, je parle du texte, Paul. Ah bon? Léon, je n'entends plus le souffleur. Paul, oh non, non, le souffleur, je l'ai renvoyé, il m'agaçait. Léon, mais comment allez-vous faire? Paul paraissant presque entièrement vêtu d'un costume de chevalier du Moyen-Âge. Je sais pas, mais voyez-vous, madame, je suis si content de jouer la comédie ce soir et de la jouer avec vous. Je suis si content que je ne veux pas que mon plaisir soit gâché par le souci d'avoir à apprendre mon rôle. En quoi consiste-t-il, d'ailleurs, ce... Qu'est-ce que j'ai fait de mes 300 francs? Léon, quoi? Non, non, rien, attendez, c'est les 300 francs de papa, je sais pas, oh mon Dieu, je les ai... Il va les chercher dans son veston et l'église dans la ceinture de son costume. Les voilà. Oui, en quoi consiste-t-il ce rôle d'ailleurs? C'est simple comme bonjour. J'ai 3 choses à faire. Raconter une bataille, vous dire que je vous aime et vous tuer. C'est absurde, mais c'est pas sorcier. Pour vous tuer, je ferai semblant. Pour raconter la bataille, j'inventerai. Et pour vous dire que je vous aime, ma foi, j'ai l'impression que je vous le dirai assez facilement. Léon, rien n'est facile, vous savez. J'ai confiance tout de même. Essayez. Quoi? Essayez de me dire je vous aime. Ah oui? Ben, je... Vous voyez? Attendez, je vous aime. C'est pas mal, mais on ne l'entend pas. Je tiens pas à ce qu'on l'entende. Vous l'avez entendu, vous? Oui, oui, moi oui, mais ça suffit pas. C'est déjà quelque chose. Dites-le encore. Je vous aime. On vous entend plus du tout. C'est pour mieux me faire comprendre. D'Altignac entrant. Dites donc, mes enfants. Non, laisse-nous, mon vieux, non, nous travaillons. Ah, bon, il ressort. Léon, essayez de me tuer maintenant. Paul, avec plaisir. Il la prend à la gorge très doucement. C'est pas désagréable, seulement vous devez me tuer d'un coup de poignard. J'aime moins ça. Léon, voulez-vous répéter sérieusement une fois? Paul s'asseyant près de Léon. Non, je veux pas répéter. Je veux causer un peu avec vous. Dites-moi, madame, vous aimez beaucoup ce métier, n'est-ce pas? Je pense bien. C'est un si beau métier. Être acclamé par une salle délirante. C'est rare. C'est pour ça que c'est beau. Vous avez déjà fait beaucoup pleurer? Oui. Oui, j'ai souvent joué de vieilles pièces un peu bébêtes, alors... Est-ce que ça doit être bon de faire pleurer des gens? Oui. On court le risque de les faire rire. C'est... Paul, quelle horreur. Vous avez peur de faire rire? Paul, ah oui. Vous n'avez pourtant pas l'air triste. Hein, c'est pas la même chose. Léon, vous changerez peut-être d'avis un jour. Tenez, avant de connaître l'embrequin qui m'a poussé vers le dramatique, je jouais les soubrettes en province. Et je n'avais pas beaucoup de succès. Cependant, un soir, j'ai joué dans une pièce de la biche un rôle très drôle. Il y avait surtout une réplique extrêmement spirituelle, mais je ne m'en étais pas aperçu aux répétitions. Le jour de la représentation, je commence ma scène aux deux. Les gens souriaient aimablement, la fameuse réplique arrive. Tout à coup, j'ai entendu un bruit extraordinaire. Gigantesque. 800 ou 900 personnes riaient en même temps. De la salle, on ne se rend pas compte du bruit que ça fait. Paul. Et ça vous a fait plaisir? Léon, plaisir n'est pas le mot, mais ça m'a fait une très grande impression que je n'oublierai jamais. J'ai été saisi, j'ai eu peur. Et puis je les ai regardés. Et comme ils avaient tous la même expression, j'ai cru pendant une seconde qu'il n'y avait qu'une seule personne dans la salle. Oh, je ne discute pas, mais enfin, jusqu'à nouvel ordre, j'essaierai de les faire pleurer. Léon, vous avez bien fait alors de vous séparer de vos moustaches et de vos sourcils, parce que, Paul, ça ne m'allait pas? Léon, pas très bien, non? Vous aviez l'air d'un sous-chef de gare. Voilà. Et comme ça, je vous plais? Léon, j'ai pas dit ça. Paul, c'est bien dommage. Parce que vous, vous me plaisez rudement. Vous étiez charmante dans le spectacle précédent. Je vous y ai souvent applaudi. Bien mieux que charmante. Léon, en effet, je me souviens de vous avoir rencontré souvent dans les coulisses. Vous êtes la femme de M. Lambrequin, n'est-ce pas, madame? Léon, en ce moment, oui. Ah, vous n'êtes pas sa femme? Ah, si, si, puisque nous vivons ensemble. C'est... Oui, mais enfin, vous n'êtes pas marié comme le sont beaucoup de gens. Enfin, je veux dire, devant le maire. Quelle différence y a-t-il pour vous? Puisque pour moi, je n'en vois pas. Paul. Oui, aucune, bien sûr. Léon. Vous êtes naïf. Paul, je cherche à plaire. Léon. Oui, c'est pas bête. Paul. Puis je n'aime pas les grosses femmes. Léon. Bien. Coïncidence. Paul. Autant c'est bien pour un homme d'être gros, Léon. Oui, autant c'est horrible pour une femme. Paul, bon. Ben, je vais essayer maintenant. Quoi donc? Je vous aime. C'est mieux, n'est-ce pas? Oui, c'est mieux. Seulement, c'est trop sincère. Voilà le danger. Paul, à qui le dites-vous? Léon, vous n'avez pas le trac? Paul, non, c'est curieux. Léon, ça vous viendra. Paul, oui, il paraît. Oui, il paraît que ça vient au bout de quelque temps. Qu'est-ce qui vous prend? Je viens seulement de penser à mes parents. Oh, s'ils savaient que je joue la comédie ce soir. Mais... Ah, ça, je peux bien vous le dire à présent. Mon père m'a fichu il y a une heure à la porte de chez lui parce que je voulais faire du théâtre. Léon. Oh, mais c'est vrai, vous ne savez pas. Quoi donc? Nous sommes allés chez vous ce soir, Lambrequin et moi. Où ça? Chez vous, chez mon père. Pourquoi faire? Pour doubler du moulin. Non. Et c'est papa qui vous a reçu? Oui, il a dû bien vous recevoir. Ben, pas si mal que ça, il faut le croire, puisque nous l'avons complètement retourné et qu'il a consenti à ce que vous jouiez la comédie. Non. Mais si. Et quand nous l'avons eu retourné, il vous a appelé, mais vous veniez de partir. En ce moment, il vous cherche partout. Non, il veut bien que je joue la comédie. Et c'est à vous que je dois ça. Oui. Ah, il faut que je vous embrasse. Vous permettez? Léon, oui, mais alors, sur la bouche, à cause du maquillage. Monsieur et Madame Mondoucet entrent. Mondoucet, ah, le voilà! Léon, nous répétions. Mondoucet, mais oui, je vois ça. Madame Mondoucet, oh, ce que tu es beau. Mondoucet, nous avons fait tous les théâtres de Paris, nous arrivons des Gobelins... Paul, alors papa, tu me pardonnes, Mondoucet? Je te dirai ça après la pièce. Léon, vous avez le manuscrit? Oui. Léon, voulez-vous venir répéter 3 minutes encore avec moi dans ma loge? Paul, je veux bien, pendant que je me recoiffe. Floriane est entrée. Paul, je vous suis. Floriane, on ne peut plus sortir de scène votre mari, Léon. Léon, ça m'étonne pas, oui, Floriane. Il vient de commencer la grève des forgerons, Léon. Eh ben alors, nous avons un quart d'heure, venez. Paul, à tout de suite, maman. Il file avec Léon. Oh, quelle soirée pour sauver la situation. On y a mis chacun du sien. Daltignac a récité des vers, moi j'ai chanté des chansons, et maintenant c'est le tour de Lambrequin. Ça a l'air d'une soirée de gala, Mondoucet. Elle est charmante. Madame Mondoucet, ça doit être un métier bien émouvant que le vôtre, Floriane. Vous savez, il y a seulement 6 mois que je fais du théâtre. Madame Mondoucet, vraiment, Floriane? Oui, avant j'étais collée avec un Suédois, seulement il m'a laissé tomber. Madame Mondoucet, oh, quel brutal. Floriane, j'étais pas disposée à être radieuse, vous pensez? C'est des trucs à la mangue qui sont pas pour mon gnasse. Alors je me suis dit, allons au Cafcons. Là, je pourrais briefer, je m'y jetonnerai un peu, puis ça fera la rue Michel. Madame Mondoucet, c'est une étrangère. Le régisseur, allez en scène pour la pièce, Mondoucet. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Floriane, que ça va commencer. Madame Mondoucet, allons vite dans la salle, Mondoucet. Passe devant. Lambrequin. En scène, oh, quel succès j'ai eu, mes enfants, c'est un public intelligent ce soir, sensible. Il ne voulait pas me laisser partir. Léon, allez, dépêchons-nous. Paul entrant derrière elle, j'ai oublié mon chapeau, le régisseur. Allez, on scène pour la pièce, Madame Mondoucet. Eh bien, madame, mon fils commence-t-il à savoir? Léon, il y a des choses qu'il fait déjà très bien, madame. Le régisseur s'égosillant, en scène pour la pièce, Lambrequin. As-tu fait travailler ce garçon, Léon? Oui. Lambrequin, tiens-le bien, hein, Léon. Ça, je te le jure, mon chéri. Mondoucet, à Floriane, sans que personne s'en aperçoive. À demain 4 heures. J'ai 30 ans de moins. À demain 4 heures. Floriane, où ça, monsieur? Mondoucet, chez Tortoni. Je m'excuse encore d'un petit préambule, mais au 3e acte, vous vous apercevrez que certains personnages changent de nom en cours de route. En effet, comme vous l'avez deviné, le 3e acte se passe pendant la représentation. Léon, la comédienne, interprète le rôle de la princesse eczéma. Lambrequin joue le rôle du roi. Paul joue le rôle du chevalier. C'est à peu près tout. Mais vous vous apercevrez que quand je les appelle du nom d'eczéma, du roi ou du chevalier, c'est que c'est le rôle qu'ils jouent, et que quand, par moment, je les appelle à nouveau soit Léon, soit Lambrequin, soit Paul, c'est qu'ils parlent leur nom propre. D'ailleurs, en général, le texte est explicite, puisque, comme vous le savez, la pièce est en vers. Personnage supplémentaire du troisième acte, les deux figurants, dont un gros. La scène est la salle du théâtre impérial. Monsieur et Madame Mondousset se trouvent placés dans une avant-scène. Mondousset. Ouvreuse ? Ouvreuse le programme, s'il vous plaît. Merci. Je ne vous donne rien, mademoiselle, parce que je suis le père du jeune homme qui débute ce soir. On frappe les trois coups et le rideau s'ouvre sur une salle du château du roi Jean III. Le décor a visiblement l'air d'un décor. Il y a une table, deux fauteuils, un prie-dieu. Il y a au mur des portraits d'hommes et de femmes et il y a un coffret à bijoux sur la table. La princesse Eczéma est seule en scène. Eczéma. Le soir tombe. On entend un bruit violent en coulisses. On entend que le bruit triste et vague que sur le sable blond fait en mourant la vague. Le bruit recommence, une pendule sonne trois coups. 7 heures. Elle va à la fenêtre. Le soleil à l'horizon s'éteint. Je ne le verrai pas avant demain matin. Comme la lune est triste ainsi dans la nuit brune. Ah, je suis triste aussi. Je suis comme la lune. Je vais donc épouser ce vieillard, ô grand Dieu. Avais-je mérité ce hasard, ô Dieu? N'ai-je donc pas, étant petite, aimé ma mère? N'ai-je donc pas respecté le front pur de mon père? N'ai-je pas démontré ma bonté, ma douceur pour mon cher petit frère et ma petite sœur? C'est affreux d'épouser un homme de cet âge, 74 ans. Mondousset. Mais mon Dieu, madame, ça n'est pas si vieux que ça. Eczéma continuant. De plus que moi. Mondousset. Ah oui, alors ça commence. Eczéma. J'enrage. Un figurant paraissant au fond. Le roi fait demander s'il peut venir vous voir. Mondousset. Il est très bien, ce garçon-là. Eczéma. Hélas, qu'il vienne. Allez. Le figurant sort. C'est ainsi chaque soir. Elle s'agenouille au prie-dieu devant le crucifix. « Seigneur, pourquoi de moi veut-il faire une épouse ? Des heureux, maintenant, je vais être jalouse. Être jolie, avoir 20 ans et se sentir le cœur bouleversé du plus ardent désir, le grand désir d'aimer et d'être aimée. » Elle se dresse soudain. « Oh, j'ai cru défaillir quand je fus informé que le roi sans pitié pour mon jeune âge et pour mon ignorance encore des choses de l'amour m'avait choisi et que j'allais le 3 septembre, couverte de rubis, de diamants et d'ambre, avec sur la tête une couronne d'or, sur les mains des saphirs et des perles d'or. Quand j'ai su que j'allais devenir une reine, la reine d'un vieillard, j'ai senti que la haine qui naissait dans mon cœur d'ordinaire si bon, mon sang n'a fait qu'un tour et je n'ai fait qu'un bond sur ce poignard que j'ai caché dans mon corsage. » Elle sort effectivement un poignard de son corsage. « Mais attendons le 3 septembre, soyons sages. Je puis être tranquille, ami, je t'ai sur moi. » Elle embrasse le poignard. « Mon défenseur et mon sauveur chéri. » Par la porte du fond, les défigurants entrent. « Le roi !» Eczéma, remettant le poignard dans son corsage. « Le roi, voici le roi. Feignons d'être joyeuses. » Mondousset à sa femme. « C'est intéressant !» Le roi entrant. « Je viens troubler votre repos. » C'est Lambrequin qui joue le roi. « Je viens troubler votre repos. » Eczéma. « J'en suis heureuse. » Le roi s'adressant au figurant. « Garde de mon palais, ô soldat valeureux, ô vous qui regardez l'ennemi dans les yeux, ô vous dont le courage et la gloire du royaume, vous qui m'avez gagné la bataille de Baume. Laissez-nous. » Les deux figurants s'éloignent et referment la porte. Le roi. Ma princesse adorable, bonjour. Ah, je voudrais baiser, Mondousset regarde sa femme. Votre front, mon amour. Exéma, baiser, monsieur. Le roi baise au front la princesse. Ma princesse Exéma, je t'aime, le refrain est bien toujours le même. Mais le refrain d'amour est le plus beau qui soit. Il monte de mon cœur, et mon cœur le reçoit. À part, il le reçoit comme on reçoit une blessure. Le roi, vous êtes soucieuse ? Exéma, oh, du tout, je vous jure. À part, pas plus qu'un innocent que l'on mène au bûcher. Le roi, aurait-elle un tourment en son âme caché ? Exéma, aurait-il observé la douleur qui m'oppresse ? Le roi, aurait-elle un dessein ténébreux ? Ma princesse, je vois que vous jouez avec vos bijoux. Exéma, oui, le réclame enchante, ils sont très beaux et doux. Le chevalier paraissant au fond. Salut à toi, grand roi, l'embrequin. Mais non, pas maintenant, mon vieux Paul. Ah bon ? Il disparaît. Madame Mondoucet, qu'est-ce qui s'est passé, Mondoucet ? J'en sais rien. En tout cas, ils sont hier accueillants. Le roi, ce sont tous les bijoux de ma première femme. Elle n'était pas belle autant que vous, chère âme. Vous n'avez pas connu, vous, la reine Isabeau. Exéma fait signe que non. Elle avait eu jadis un beau corps. Assez beau. Mais le visage était comme le caractère. Affreux. N'y pensons plus. Exéma. Sa mort fut un mystère, le roi. Ce fut un grand mystère. Excepté pour le roi. Exéma. Excepté pour... Le roi, pour tous ! Exéma, mais pas ? Le roi, mais pas pour moi. Je fais mourir ainsi tous ceux qui me déplaisent. Ainsi, voyez, il désigne un portrait. La blonde Anna, princesse d'Èze. Exéma, elle est morte d'un mal affreux qui la rongeait. Du tout. Mais elle avait conçu le fol projet de résister à mon amour. Exéma, oh, l'insensé ! Le roi, elle a voulu sortir de la route tracée. Je l'ai fait disparaître en la précipitant dans le fond de l'étang. Exéma, dans le fond de l'étang ? Le roi, dans le fond de l'étang. Elle y trouva sans doute Madame la Duchesse Albéric Prochenbout. Celui-ci, c'est mon frère. Il est mort un matin pour avoir bu de l'eau. De l'eau ? De l'eau de Saint-Quentin. Ce poison fait mourir en deux jours. Vite, en somme. Celui-ci qui fut duc et pair, Albert de Somme, trépassa de ma main. Celui-ci fut pendu pour n'avoir pas payé l'argent qui m'était dû. C'était mon oncle. Et celui-là, par deux panthères, fut dévoré vivant. Vivant ? C'était mon père. Le chevalier paraissant à nouveau. Salut à toi, grand roi. Mais non, pas encore, mon vieux. Paul, bon, bon, bon, bon, mon Doucet. Ils ne veulent pas le laisser parler. Le roi montrant les portraits. Princesse, que ceci vous serve de leçon, Exéma. Qui n'entend qu'une cloche, hélas, n'entend qu'un son. On m'avait dit de vous que vous étiez fort tendre. Eh bien, seigneur, j'éprouve à vous entendre un sentiment affreux. Je me prends à douter de votre grandeur d'âme et de votre bonté. Ah, devant ces portraits, se peut-il que la honte à votre front, seigneur, incessamment ne monte ? Qu'est-ce à dire, madame ? Et vous permettez-vous de blâmer ma conduite et de juger mes coups ? Cet homme a fait mourir en la noyant sa femme. Il a fait dévorer son père. C'est infâme. C'est infâme. Et pourtant cet homme ne veut pas, malgré qu'il ait causé plus de 15 trépas, cet homme ne veut pas qu'on juge sa conduite. Le roi, et vous allez cesser, madame, tout de suite. Si vous ne cessez pas, Exéma, jamais. Le roi, dans un instant, Exéma, vous me faites jeter dans le fond de l'étang, n'est-ce pas, monseigneur ? Eh bien, tenez, j'en doute. Vous voyez que je sors tout à fait de la route. Je brave le courroux du monstre déchaîné. L'heure du châtiment pour vous vient de sonner. On entend ding, ding, ding en coulisses. Je vais venger tous ceux qui furent vos victimes. Et vous allez payer vos exécrables crimes. Assassin de ton père, homme lâche et hideux. Je ne sais pas lequel va mourir de nous deux. À la sortie de son corsage, son poignard, courte lutte, elle s'était lancée vers le roi, mais celui-ci lui arrache le poignard et des mains et la terrasse. Exéma. Ah, qu'ai-je fait ? Pardon ! Elle tombe aux genoux du roi. Grand Dieu, je suis perdu, madame Mondoucet dans la salle. Oh mon Dieu, la pauvre petite femme. Mondoucet, ne te mêle pas de ça surtout ! Le roi. Eh bien, vois-tu la mort à mon bras suspendu ? Ainsi donc tu voulais assassiner ton roi, pauvre folle ? Pardon, sire, pardonnez-moi. Vous pardonnez ? Seigneur, mon âge, vous implore, vous pardonnez ? Je ne veux pas mourir encore. Si j'avais la faiblesse immense, la bonté d'accorder un pardon qui n'est pas mérité, si j'oubliais, madame, en un mot, votre crime, en auriez-vous pour moi plus d'amour et d'estime ? Sans doute, monseigneur. Seriez-vous désormais docile à mon désir ? Exéma. Oh. Je vous le promets. Répétez-le, madame, afin qu'il m'en souvienne. Votre corps sera mien, votre chair sera mienne, et vous accueillerez votre royal époux 2 fois, 10 fois, 20 fois, mon Doucet dans la salle. Quelle belle époque. Eczéma, Eczéma, cela dépend de vous, le roi. Aurez-vous constamment le souci de me plaire, Eczéma? Je l'aurai, monseigneur, et je saurai me taire au sujet des parents dont vous avez prescrit la disparition pour le bien du pays. Non. Vous serez indulgente et vous serez fidèle des époux, seigneur. Je serai le modèle et vous obéirez à ma perversité. Eczéma, je ferai, monseigneur, toutes vos volontés. Oh, eh bien, relevez-vous, je vous pardonne et même... Je sens que plus encore maintenant, je vous aime. Il l'embrasse. Mon trésor, cher ami, Eczéma à part, je me tuerai demain. Puisque je dois mourir, ce sera de ma main. Le roi, adieu, vilain poignard qui causa notre alarme. Il le jette par la fenêtre. Eczéma à part, je saurai retrouver dans le jardin cette arme. Madame Mondoucet, bravo, petite madame, bravo. Léon la salue, Mondoucet. Si tu crois que ça fait plaisir au roi, ce que tu fais là. Le roi, vous savez qu'aujourd'hui, princesse de mon cœur, le chevalier Testis revient ici vainqueur. Il a franchi les monts et dans la plaine d'Orte. Il a de l'ennemi dissipé les cohortes. Mondoucet dans la salle, c'est Paul. Un spectateur. Chut, écoutez. Le voici justement qui vient, couvert de sang. Un temps assez long. Le voici, justement, qui vient, couvert de sang. Un temps encore plus long. Le voici, justement, qui vient. Eczéma, couvert de sang. Lambrequin à la porte. Eh ben, mon Doucet, mon vieux. Mon Doucet, Paul. Paul paraissant. Hein, Léon, c'est à vous, mon vieux Paul. À moi, Lambrequin. Mais oui, mon vieux Paul. Ah bon, il ressort et re-rentre à nouveau. Salut à toi, grand roi, vénérable et puissant, mon Doucet dans la salle. Bravo, le spectateur. Chut, écoutez, mon Doucet. Je dis bravo parce qu'il faut encourager la jeunesse, monsieur. Paul, papa, je t'en prie. Un spectateur. Oh, silence, enfin, mon Doucet. Ça n'est pas le père qui parle, monsieur, c'est le spectateur. Paul, je reprends, papa, tais-toi. Salut à toi, grand roi, vénérable et puissant. Roi, salut à toi, bon chevalier. Lambrequin, eh ben, Paul, quoi? Lambrequin, c'est à vous. Paul, à moi. Lambrequin, oui. Non, mais si. Bon, ah oui. Ah, salut, princesse. C'est ça? Oui. Bon. Fais-nous donc, chevalier, sans honte et sans faiblesse, le récit détaillé du combat d'Avila. Le récit détaillé du combat d'Avila? Oui. Le récit détaillé du combat d'Avila. Le récit du combat... Comment dirais-je, moi? Le souffleur. Ce fut un grand combat. Combat. Chut, oh, chut. Lambrequin, comment chute? Mais il est fou. Le chevalier prend son courage à deux mains et, faisant appel à sa mémoire, se jette à l'eau. « Ah, sire, vous direz tout ce que vous voudrez. La valeur n'attend pas le nombre des années. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Je fais placer par-ci, par-là des sentinelles. Mon innocence, enfin, commence à me peser. J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. » Mon histoire, messieurs les juges, sera brève. À peine nous sortions des portes de l'Andève, je vois apparaître alors dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil, celui qui de l'Empire entre ses mains dispose. J'observe exactement la loi que je m'impose. Je parle à Don César et non à Zafari. Ah, je ne croyais pas qu'il fût si près d'ici. Quand il ne resta plus qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traîné dans la fange, je dis en élevant mes deux bras vers les cieux, faites votre devoir et laissez faire aux dieux. Lambrequin, Léon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Léon, donne ta réplique. Alors... Ce récit d'un combat qui fut un grand carnage prouve à quel point, seigneur, fut beau votre courage. Paul, oh, faut rien exagérer. Combien vous reste-t-il des soldats confiés? Paul. Peut-être 5 ou 6. Oh! Quand je dis 5 ou 6, il m'en reste 1 million. Oh! Non, non, c'est trop, oui, c'est trop, ça m'en est pas. C'est pas commode à compter, les soldats. Vous savez ce que c'est, ils sont toujours les uns derrière les autres. Enfin, vous inquiétez pas, il en reste toujours assez. Et le grand maréchal de l'armée ennemie? Paul, charmant. Il est charmant. L'embrouillard. Oh, Paul. Quand je dis charmant, qu'est-ce que je dis? C'est un salaud! Léon, oh! Le roi, avez-vous rapporté des drapeaux en grand nombre? Paul, ma foi, non. Le roi, vous en serez d'ailleurs bientôt récompensé. Et plus peut-être encore que vous ne le pensez. Paul, merci mille fois, le roi. Je compte vous nommer duc et prince d'Andaille à l'occasion de mes prochaines fiançailles avec madame. Paul, je vous en suis reconnaissant. Adieu, madame, Paul. À tout à l'heure. Le roi sort. Seul. Seul. Il nous laisse seul. Il s'approche de Léon, qui est immobile à l'avant-scène. Il l'embrasse dans le cou. Léon. Oh, Paul, je vous aime. Léon. Mais vous êtes fou, voyons, on va nous entendre. Paul. Non, personne, mais le public. Tiens, j'y pensais plus. Allez, prenez le manuscrit et lisez votre rôle. Le souffleur tend le manuscrit à Paul. Il le prend assez rapidement, croyant ne pas être vu des spectateurs. Paul redevenant le chevalier. Grand Dieu, qu'ai-je entendu, madame? Ce vieillard veut bientôt faire de vous sa femme. Exéma, hélas, il a conçu ce projet malheureux. Le chevalier, toujours lisant. Vous épousez lui, ce vieillard? Il traverse le théâtre. Léon. Mais non. Paul. Mais si. Léon, mais non, ne lisez pas les indications. Paul. Ah, bon, je comprends, oui. Je continue. Vous n'épouserez pas le roi, car je vous aime. Exéma. Quoi, vous m'aimez? Le chevalier, depuis 2 ans, madame, et même, il saute plusieurs pages exprès. Madame, donnez-moi, s'il vous plaît, votre main. Il émane de vous une odeur de jasmin. C'est exact, d'ailleurs. Et sur votre visage ébloui de jeunesse, on dirait des boutons d'églantine qui naissent. J'aime moins ça. Vous êtes à mes yeux l'astre le plus charmant. Vous êtes Marguerite et moi je suis Armand. Je suis Britannicus et vous êtes Junie. Si je devenais Paul, Exéma, je serais Virginie. Si moi j'étais Mireille, le chevalier, ah, je serais Vincent. Et si j'étais Musset, vous seriez Georges Sand. Exéma, si j'étais l'or, alors vous seriez vous Pétrarque. Si je suis Lavalière, le chevalier, alors je suis monarque. Exéma, je suis Desdemona, le chevalier, regardez Othello. Vous êtes Juliette et je suis Roméo, vous êtes Cléotas et je suis Radamante, vous êtes Béatrix et moi je suis le Dante, je peux me transformer, amour, avec plus d'art, vous êtes Héloïse et je suis Non, ça je refuse. Il jette le manuscrit. Je suis grisé par toutes les sottises que je viens de lire. Et vous êtes grisé aussi. C'est ce qui est beau en amour, voyez-vous. La qualité des paroles importe peu. Il faut seulement qu'une certaine quantité de choses ait été dite. Et c'est à ce dosage qu'on reconnaît les véritables amants. On doit en somme laisser à la femme convoitée juste le temps qu'il faut pour envisager sa chute, sans lui donner le loisir d'en examiner les conséquences. Alors on l'a, comme je vous ai en ce moment. Et on peut lui dire, je t'aime, je t'adore. Il n'est pas possible qu'un être aussi charmant que toi vive en compagnie de cet homme grotesque et lourd. Léon, le roi? Paul, mais je ne parle pas du roi, je parle de votre mari. Il est ridicule, ce lambrequin. Et tu ne peux pas l'aimer, tu es faite pour vivre avec moi. Et puis tu es comme moi. Nous ne sommes faits ni l'un ni l'autre pour jouer de pareilles pièces. Nous sommes faits pour jouer des pièces gaies, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Parce que ces gens-là sont venus ici pour se délasser, ils ont bien raison. Tout à l'heure, ils ont ri quand je suis resté en panne dans mon rôle, n'est-ce pas? Eh bien, ça a été une révélation pour moi. Je croyais à ma vocation de tragédien. D'ailleurs, je l'avais dit à papa, n'est-ce pas, papa? Oui, c'est vrai, messieurs dames, c'est vrai. Il me l'a dit ce soir. Eh bien, je m'étais trompé, puisque ça m'a fait plaisir de les entendre rire et de se moquer de moi. Veux-tu, on va consacrer sa vie à faire rire ces gens-là. Et le cocu en sera. Il faut un cocu pour faire rire. Le roi entrant, le chevalier Testis aux pieds de la princesse. Paul, tiens, le voilà justement. Garde de mon palais, vite, que l'on se presse. S'étant rendu coupable ici de trahison, que l'on jette à l'instant cet homme à la prison. Les deux figurants paraissent. Paul sortant de sa ceinture les 3 billets de 100 francs que son papa lui a donnés. Garde de son palais, 150 francs chacun de vous pour emballer cet homme-là. Allez, oust, dans les cintres. et toi, Léon, dans mes bras. » Lambrequin. « Mais vous êtes fou ! Je suis le roi ! Je suis le roi ! Je suis le roi, mon Doucet ! Tu es cocu !» Et dans le brouhaha général, le rideau tombe. Mesdames, Messieurs, la radiodiffusion française vous a présenté une émission publique de Michel Polak, transmise du Théâtre des Noctambules à Paris, Lectures à une voix, une production du Club d'essai. Aujourd'hui, Jean III, ou l'irrésistible vocation du fils Montdoucet, comédie en trois actes et un prologue de Sacha Guitry, a été lu par François Perrier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 16 août 1956. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».